Dans le cadre de l'étude des lettres aux sept églises d'Asie, je vous rappelle, chers auditeurs, que nous nous sommes arrêtés au message du Seigneur adressé à l'église de Thyatire. Cette petite communauté du 1er siècle était très active, zélée pour Jésus-Christ, mais une grave imposture s'était développée en son sein. Une femme, qui se disait prophétesse, avait pris de l'autorité et elle enseignait une doctrine pernicieuse. C'était un mélange entre le vrai et le faux, un compromis entre le culte à Dieu et le culte aux idoles païennes. Aussi, le Seigneur compare-t-il cette apostasie à celle qui caractérisait le peuple d'Israël sous le règne d'Akab et de Jézabel au 8e siècle avant Jésus-Christ. Relisons ensemble, voulez-vous, les trois premiers versets de la lettre à l'église de Thyatire, Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 20. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Le Seigneur démasque donc l'imposture de cette femme. Il la condamne et pourtant, il lui donne un sursis. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Apocalypse 2, 21. Il est frappant d'établir une fois encore un parallèle entre la prophétesse de l'église de Thyatire et la Jézabel de l'Ancien Testament, à qui Dieu avait aussi donné du temps pour qu'elle se repente. Effectivement, elle avait survécu 12 ans à son mari, le roi Akab. Mais jusqu'au dernier jour de sa vie, Jézabel n'a pas voulu se repentir. Au contraire, elle se maquillait pour mieux séduire, ce qui ne lui a été d'aucun secours lorsque son heure a sonné, ce que nous rapporte le passage de 2 Rois 9, 30 à 37. Si dans sa justice le Seigneur frappe les coupables, il est par contre plein de compassion pour les victimes innocentes. Il y avait à Thyatire de sincères croyants qui, malgré le faux enseignement dispensé dans leur église, étaient restés attachés de cœur à leur Seigneur. Nous lisons Apocalypse 2, 24 et 25. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Combien réconfortante est cette parole du Seigneur placée dans un tel cadre. Notre Dieu sait toujours faire la différence entre les meneurs et les victimes. Comme l'a déjà dit le prophète Malachie en son temps, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3, 18. Or, ce qui s'est passé au 1er siècle de l'ère chrétienne se retrouve de nos jours. Que de croyants sincères aujourd'hui n'ont pas bénéficié de l'enseignement simple et équilibré de la parole de Dieu. Ils ont dû se contenter de traditions pour exprimer leur foi. Et cependant, ils ont cru en Jésus-Christ et à son sang versé pour eux à la croix du calvaire. Ils sont sauvés pour l'éternité en vertu de leur foi. Mais ils ne le savent pas. Ils n'en sont pas certains parce que personne n'a mis l'Écriture sainte entre leurs mains. Car l'Écriture sainte et elle seule peut donner à l'âme humaine les certitudes éternelles qu'elle cherche. Chers auditeurs, si vous n'êtes pas sûr du pardon de vos péchés et du don de la vie éternelle en Jésus-Christ, écoutez attentivement la lecture de l'un des versets les plus précis de la Bible à ce sujet. Et croyez de tout votre cœur à cette parole. Nous lisons 1er épître de Jean, chapitre 5, versets 12 et 13. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Dans cette lettre à l'église de Thyatire, comme dans toutes les autres lettres aux églises d'Asie, le Seigneur fait allusion à son retour sur la terre. Ainsi exhorte-t-il les croyants demeurés fidèles. « Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Apocalypse 2, 25. Cette affirmation du retour de Jésus-Christ ici-bas suscitait déjà à Thyatire un clivage des mentalités. Il y avait les vainqueurs qui se préparaient à ce retour et il y avait les autres qui persistaient dans une vie religieuse traditionnelle sans rapport avec le christianisme authentique. Mais arrêtons-nous ici à ce qui peut paraître de prime abord comme un détail dans le texte, mais qui en fait est très important. Dans chacune des lettres aux églises d'Asie, nous retrouvons la phrase « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Il est intéressant de remarquer que dans les trois premières lettres, cette phrase se trouve vers le milieu de la lettre, alors que dans les quatre dernières, c'est-à-dire à partir de celle adressée à l'église de Thyatire, elle en est la conclusion. Pourquoi ? Seuls les vainqueurs mentionnés à la fin de l'épître, c'est-à-dire seuls ceux qui se sont détachés de la masse parce qu'ils ont pris position pour Dieu, seuls ces vainqueurs, dis-je, écouteront encore la voix du Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit ordonne aux églises. Penchons-nous, pour terminer, sur la promesse adressée à ces vainqueurs dans la lettre à l'église de Thyatire, Apocalypse 2, versets 26 à 29. « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a plusieurs éléments dans cette promesse. Tout d'abord, le Seigneur l'adresse à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Au début de la lettre, le Seigneur écrivait à l'église « Je connais tes œuvres ». Et maintenant, en ce verset 26, il parle « De celui qui gardera mes œuvres ». Tes œuvres, mes œuvres. Quel contraste flagrant! Sommes-nous bien sûrs d'être engagés dans les œuvres du Seigneur? Ou bien nous complaisons-nous dans nos propres œuvres? C'est celui qui garde les œuvres de Jésus-Christ qui sera récompensé un jour. Et quelle sera-t-elle, cette récompense? À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Trop souvent, au cours de l'histoire, la chrétienté s'est efforcée d'accaparer le pouvoir temporel, ce qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Bien au contraire, le chrétien qui veut accomplir les œuvres de son Seigneur sait que dans cette vie, il est étranger et voyageur sur la terre. Hébreux 11, 13, 1 Pierre 2, 11. Pourquoi ? Parce qu'il est citoyen d'une meilleure patrie, une patrie céleste. Hébreux 11, 14 à 16. De toute évidence, aucune église n'a le droit d'usurper ici-bas l'autorité universelle qui n'appartient qu'à Jésus-Christ. Lui seul est digne de recevoir le règne, l'honneur et la gloire. Un jour, bientôt, il recevra de son Père ce pouvoir universel et il y associera les siens, ceux qui auront gardé ses œuvres jusqu'à la fin. Chers auditeurs, en serez-vous ? Une dernière promesse conclut cette lettre. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Dès l'Antiquité, poètes et philosophes se sont entendus pour appeler la planète Vénus l'étoile du berger ou l'étoile du matin. Elle brille d'un vif éclat après le crépuscule ou avant l'aurore, quand la nuit est très sombre. Ainsi, elle annonce des heures à l'avance l'aube d'un jour nouveau. Lorsque le Seigneur promet au vainqueur de Thyatire de lui donner l'étoile du matin, il emploie donc une image accessible à tous pour annoncer son prochain retour, car il est lui l'étoile brillante du matin, comme il le précise dans le dernier chapitre de la Bible. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, 16. Plus la nuit est profonde, plus l'étoile du matin brille. L'obscurité des événements contemporains ne doit donc pas nous effrayer, car elle fait apparaître avec d'autant plus de clarté la perspective du retour de Jésus-Christ. Déjà, au premier siècle de l'ère chrétienne, l'apôtre Pierre écrivait « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » 2 Pierre 1, 19. À combien plus forte raison pouvons-nous dire « L'étoile du matin se lève déjà dans nos cœurs. » C'est pourquoi que nos cœurs soient remplis de la vive espérance que suscite en nous la perspective de notre prochaine rencontre avec Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, qui est l'étoile du matin.